Le petit Benjamin, le petit Auvergnat. Dis donc, il y avait Phil et Mike qui sont partis. Salut la Turquie. Ça ferait une musique pour présenter les musiciens. Et moi je suis en train d'essayer de ça là. Écoutez. Écoute. Ah merde. Attends. Il y a un problème. Charlie.